الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهلي وصحبه ومن اتبعهم بالهدى. أما بعد، aujourd'hui ça va être le hadith الخامس وعشرون، le 25e hadith qui se rapporte aux nombreuses voies que Allah a accordées à ses serviteurs afin d'atteindre le bien, quand bien même seraient-ils des indigents ou des pauvres, comparés aux riches. Et le mérite de la proscription du blâmable et de l'appel au convenable. Également de l'ertiseb dans l'intention, c'est-à-dire le fait de rechercher la récompense dans des actes même permis. Naam. Donc il dit, قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الدبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي علينا عيينة عن يحيى بن عكيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أنا وناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به فإن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر عن منكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة يكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان علي فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. Donc ce hadith serait selon Abi Dhar رضي الله عنه que des gens sont venus auprès du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم pour le dire. Au message d'Allah. Les gens aisés prennent les récompenses. Ils font la salat comme nous la faisons également. Ils font le siyam comme nous le faisons également. Et ils font du sadaqa avec la grâce de leur bien. Donc le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, Allah nous a-t-il point donné de quoi faire sadaqa? Car chaque tasbih, le fait de dire subhanallah, est une sadaqa. Que chaque takbir, le fait de dire Allahu Akbar, est une sadaqa. Que chaque tahmid, le fait de dire alhamdulillah, est une sadaqa. Et que chaque tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, est une sadaqa. Et commander le bien, est une sadaqa. Et réprouver le mal, est une sadaqa. Et dans l'acte charnel avec votre épouse, il est aussi une sadaqa. Alors là, il dit, radiallahu anhum, si l'un d'entre nous venait à assouvir ses désirs, en tirerait-il une rétribution? Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, voyez-vous, s'il le faisait dans ce qui est interdit, ne serait-il pas chargé d'un péché? De la même façon, s'il le fait dans ce qui est licite, alors il serait récompensé. Donc, le shir commence en disant, قَوْلُهُ إِنَّ أُنَاسًا. Certes, des gens. Dans le hadith, certes, des gens. مبين في حديث أبي هريرة أنهم فقراء المهاجرين الذين يسابقون أهل الأموال في الخيرات ويغبطونهم على ذلك الخيل عتبة لا حسدا إنما يريدون أن يصلوا لما وصلوا إليه. Donc il dit, ces gens-là qui ne sont pas définis dans ce hadith ont été désignés dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira qu'il s'agit des muhajirin, hein, les pauvres parmi les muhajirin, ceux qui tentent de devancer les gens riches dans les bonnes actions. Et qu'il les envie en cela. Il les envie en cela par convoitise du bien et non pas par jalousie. Hein? Et non pas par jalousie. Qu'ils veulent juste parvenir à ce quoi ces gens-mêmes sont parvenus. Comme comme degré de bien par rapport aux bonnes actions. Du fait que eux, ils font les actes obligatoires comme les autres, et en plus de cela, ils font des sadakas avec leur argent. Donc le shir dit, Wal hased, tamanni zawal el ni'ma an el ghayr. Wal ridba, tamanni tilka el ni'ma laka ghayr an la tatamanna zawalaha an ghayrik. Wa hadha allazi hasala min fukara al muhajirin. Donc il dit, el hased, le hased, c'est la jalousie, la mauvaise jalousie, celle qui est le fait de vouloir que le bien cesse chez les autres. Cela, les mauvaises. Et eux, là, c'est le mot qu'ils ont posé, c'est ribda. Ça y est, ribda. Là, c'est le fait d'envier. C'est-à-dire que tu souhaites le bien qu'il y a chez les autres, tu souhaites l'avoir toi aussi sans pour autant que cela cesse chez eux. Hein? Tu ne souhaites pas que cela se termine chez eux, juste tu veux la même chose qu'eux. Et cela est louable. Alors que le hasad, la mauvaise envie, c'est le fait de vouloir le bien pour toi et pas pour les autres. Non, c'est ça qui est blâmable. Donc il dit, Tamannaou husoul tilkal ajr. Ou afan. Husoul zalikal ajr. Wal khayrat min babi qawlillahi azza wa jal. Fastabiqul khayrat. Ou min babi qawli subhana. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Donc il dit eux, les muhajirin, souhaitez donc par là obtenir la récompense et les bonnes actions. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, et devancez-vous dans le bien. Hein? Concurrencez-vous, hein? Se concurrencez dans le bien. Également de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit « Et précipitez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur équivaut à celle des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté, et ceux qui retiennent les colères, et ceux qui pardonnent aux gens, et certes Allah aime les bienfaisants. » Wa min bab qawli ta'ala wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Hein, et aussi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit, et c'est en cela que se concurrencent ceux qui veulent le bien. Naam. Fahada min al-mubadira wa min al-tanafus fil khayr alladhi kana fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, cela donc fait partie de quoi? De la précipitation vers le bien, le fait de s'élancer vers le bien, et également dans la concurrence dans le bien. Et cette chose-là avait lieu entre les compagnons. Cela se produisait entre les compagnons. Wa qad hasala min Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma tanafus fil khayr. Wa dhalika lamma hasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala sadaqah qala Umar al-yum asbiqu Abu Bakr fa dhaba yatasaddaq bi shitr mali wa dhaba Abu Bakr yatasaddaq bi mali kullih. Falamma ataya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala madha abqaita li ahlika ya Umar qala nisf mali wa qala li Abi Bakr ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال يعني عمر فعلمت أني لا أسبق أبا بكر. Donc il dit, par exemple, cela est arrivé entre Omar et Abu Bakr, radiallahu anhum, qui se devançait dans le bien. Qu'un jour, Omar s'est dit, aujourd'hui, je vais prendre le devant sur Abu Bakr. C'est-à-dire, je vais faire du bien avant lui. Alors il partit, et fit en aumône, fit en sadaqa, la moitié de ses biens. Il donna en aumône la moitié de ses biens. Et Abu Bakr, lui, eh bien, il mit en sadaqa tous ses biens, tout son argent, il le donna. Lorsqu'il se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Omar, qu'as-tu donc laissé pour ta famille? Il dit, la moitié de mes biens. Et il interrogea Abu Bakr, il dit, et toi, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Donc là, Omar s'est dit en lui, là, j'ai su que je ne pourrais devancer Abu Bakr. Naam. Wa marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala ibn Mas'ud wa huwa yaqra surat an-nisa. Falamma sajada ja'ala yad'u wa yaqul Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi a'la darajat al-khuld. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sal tu'ta sal tu'ta. Fa dhaba Umar yubashshira. فوجد أبا بكر قد سبقه لتبشير ابن مسعود. Donc il dit, une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa devant Ibn Mas'ud alors qu'il restait sur la Nisa, la la sourate des femmes. Et lorsqu'il se prosterna, il se mit à invoquer en disant « Oh Allah, je te demande une foi qui ne cesse pas, c'est-à-dire de ne pas apostasier. Et un bienfait incessant également, qui perdure. Et que je sois auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés de l'éternité, c'est-à-dire au paradis. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sans que Ibn Mas'ud ne l'entende, il dit « Demande, il te sera accordé. Demande, il te sera accordé. » C'est-à-dire que son dua a été exaucé. Alors Omar se rendit auprès de lui afin de lui annoncer la bonne nouvelle. Mais cependant, il avait dit à Trouba Boubaka qu'il avait devancé pour annoncer cela à Ibn Mas'ud. Naam. Et cela est parmi les preuves également qui prouvent que le fait d'annoncer une bonne nouvelle à un musulman, cela est une chose à laquelle on se précipite. Tout comme cela est arrivé dans le hadith de Ka'b ibn Malik, radhiyallahu anhu, dans l'histoire de lorsqu'il n'a pas participé à la bataille de Tabuk, lorsqu'il fut boycotté 50 jours et 50 nuits, lorsque la Tawba vint, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça cela après Salat al-Fajr, alors là, les Sahaba accoururent vers lui pour lui annoncer la bonne nouvelle, pour mettre la joie en lui. Et cela est parmi les bonnes actions, le fait de mettre la joie dans ton frère. وهكذا كانوا يستبقون للخيرات كما جاء في حديث أنس أن الأنصار شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من نزع الماء فقالوا لو دعا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفجر الله لنا هذا الجبال هذه الجبال عيونا فذهبوا بجماعتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا وأهلا ما أتى بكم اليوم إلا حاجة لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه لا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه فالتفت بعضهم إلى بعض فقالوا الدنيا تريدون اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكم فقالوا استغفر لنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار فلما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسألوني شيئا إلا أعطيتموه تسابقوا لأعظم خير وهو عفوان الذنوب لأن الذنوب إذا عفرت حصل الرزق وغيره من الخيرات. Donc il dit que cela était parmi les actes des Sahaba, qu'ils se devançaient dans le bien, qu'ils s'accouraient vers les bonnes actions. Comme cela fut rapporté dans le hadith de Anas, que les Ansar vinrent se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la difficulté qu'ils rencontraient à faire jaillir de l'eau depuis les montagnes. C'est-à-dire ils travaillaient et l'eau ne venait pas et cela les fatiguait. Alors ils se sont dit, si nous demandions au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il invoque Allah afin qu'il fasse jaillir les sources des montagnes. Donc ils se rendirent auprès de lui en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, bienvenue à vous. Vous n'êtes pas venus aujourd'hui si ce n'est pour un besoin. Aujourd'hui, vous ne ferez aucune demande sans qu'elle vous soit accordée. Sans qu'elle ne vous soit accordée. Je ne demanderai rien à Allah aujourd'hui sans qu'il ne me l'accorde. Alors ils se retournèrent les uns vers les autres pour s'interroger et se dire, comment ? Vous voulez donc les biens de ce bas monde ? Demandez donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande le pardon pour nous auprès d'Allah. Alors ils disent, demande pardon auprès d'Allah, ya sallallahu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Allah, pardonne aux Ansar et aux fils d'Ansar et aux fils des fils d'Ansar. Pourquoi ? Du fait qu'ils ont vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a dit, aujourd'hui, vous ne demanderez rien sans que cela ne vous soit accordé. Alors, qu'est-ce qu'ils firent ? Eux, ils désirèrent la plus grande des récompenses, qui est le pardon des péchés. Car si le pardon des péchés se produit, alors il y aura de la subsistance et également autre chose parmi les bonnes rétributions. Et on rajoute que le pardon des péchés est une cause pour entrer au paradis. Donc il n'y a rien de plus grand que cela. Non. Taïeb. Et également une chose que le Shir cite dans le livre, dans le fait de se concurrencer dans les bonnes actions, qu'il ne revient pas, qu'il ne fait pas partie des bons comportements, par exemple, que de laisser quelqu'un prendre ta récompense. D'accord ? Par exemple, tu as une bonne action à faire dans l'adoration et tu laisses la place à quelqu'un d'autre pour le faire. Par exemple, une chose qu'on voit souvent chez les awam, quand ils sont au masjid pour faire la salat en jama'a, que l'imam il vient la tête découverte, par exemple. Et que l'un d'entre eux a une kufiya ou une imama, ou ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève de sa tête et la donne à l'imam. Déjà d'une part, parce que lui pense que l'imam doit obligatoirement se couvrir la tête. Et cela n'est pas une obligation pour l'imam. Cela est une chose qui amène à parfaire la salat, mais ce n'est pas une obligation. Donc de là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enlève de sa récompense en enlevant ce couvre-chef, comme on dirait. Il se découvre la tête pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que lui, il est réduit de sa récompense pour quelqu'un d'autre. Et cela, en islam, n'a pas lieu d'être. Hein? Comme on dit dans les hasanat, faut être avare. Là, c'est une chose dans laquelle il faut être avare. Tout ce que tu peux avoir comme bien, fais-le. Comme le fait, par exemple, de se devancer pour prendre le premier saf, le premier rang, sans que cela n'emmène à des bagarres ou des disputes. Hein? Soit, élance-toi et prends le premier rang si tu peux le faire. Ne laisse la place à personne. Sans pour autant, comme on dit, avoir à bousculer tout le monde et à mal se comporter. Donc cela ne fait pas partie de la bienfaisance que de laisser les bonnes actions aux autres. Tu donnes de tes biens aux autres, tu donnes du bien aux autres, mais ce qui touche à tes adorations, alors garde-les pour toi. Non. Et cela est une bonne chose, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc il dit, لو تتبعت سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في استباقهم في الخير الاستباق الذي كانوا يصنعونه في معارك مع الكفار أو في القيام أو في الصيام أو في الصدقة أو في سائر أعمال البر والخير لكان باب حسن طيبة. Donc il dit, si jamais tu te mettais à rechercher dans la biographie des Sahaba, comment ils se concurrençaient dans le bien, hein, comme par exemple lors des guerres, pour se précipiter sur les kuffars, ou dans le qiyam, comment voulait yani faire salat de nuit, les uns plus que les autres. Les uns plus que les autres. Ou alors dans le jeûne. Ou alors dans les aumônes. Et dans toutes les autres actions de bien et de piété. On pourrait réunir en cela une bonne recherche, un bon livre, c'est-à-dire. Hein, tout cela pourrait réunir une bonne recherche. Qawluhu ahl ad-dusur dans le hadith. Zahaba ahl ad-dusur. Ad-dusur al-amwal. Donc ahl ad-dusur, c'est les gens riches, les gens aisés. Wastadallu bi hadha al-hadith ala fadl الغني الشاكر على الفقير الصابر والصحيح في المسألة أنه ما من غني شاكر إلا هو صابر على نعمة الله ما يستطيع أن يصبر على مال على المال والنعمة إلا بشكر الله سبحانه وتعالى وما من فقير صابر إلا هو شاكر لله على ما قدره فكلاهما متلازم وهما في رتبة سواء. Donc il dit que des gens ont pris ce hadith comme preuve pour dire, pour démontrer le mérite du riche reconnaissant qu'il a plus de mérite que le pauvre patient qui endure. Hein? Que le riche qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala a plus de mérite que le pauvre qui patiente et qui endure. Et le chef dit que l'authentique sur le sujet, c'est qu'il n'y ait pas de riche reconnaissant, soit qu'il ne soit patient sur les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il ne peut pas patienter, hein, sur l'argent et sur les bienfaits, ce n'est pas la reconnaissance envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également, qu'il n'est pas de pauvre patient, soit qu'il ne soit lui-même reconnaissant pour ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a prédestiné. Donc tous les deux sont de niveau égal, hein, pour le shirk. Et cela, en fait, revient de tout à chacun. Cela revient du tout à chacun. Mais la réalité, c'est que les pauvres, Yom al-Qiyama, rentreront paradis avant les riches. Hein, les pauvres rentreront paradis avant les riches. Et que la pauvreté, comme nous l'avons déjà cité, et que la pauvreté, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la plupart de ses messagers. La plupart des messagers étaient des gens pauvres. Peut-être hormis Suleyman et Daoud, qui étaient des rois, avec de grands royaumes. Cependant, les autres messagers, les prophètes, étaient connus pour être des gens pauvres. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala choisit la pauvreté pour les biens de sa création, c'est-à-dire les messagers et les prophètes. Ensuite, le shir dit, خالف ابن القيم في كتابه عدة الصابرين في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر فيرجع إليه من أراد المزيد من بيان هذه المسألة. Donc il dit que ابن القيم dans son livre Odette et Sabiré, lui, il n'a pas vu cet avis-là, et celui qui veut retourner à ce qu'il a évoqué, qui retourne dans le livre directement, il verra, Inch'Allah, le détail sur la question. وفي هذا الحديث دليل على أن من سخر ماله في طاعة الله فهو من السابقين لا في نص حزبية لا جمعية باطلة ولا في نص منكر فأخبر الله عن كفار أنهم هم طيب on s'arrête là. Donc il dit quoi? Que ce hadith est une preuve que celui qui dépense son argent dans l'obéissance d'Allah et dans son adoration, celui-là fait partie de ceux qui se devancent dans le bien. Hein? Parmi ceux qui se concurrencent dans le bien. Ceux qui s'élancent vers le bien. Que son argent ne doit pas être dépensé dans le secours pour la Hizbiya, ni pour soutenir une Jam'iyya, une association, hein, Batila, fausse, ni pour le fait de sauver le faux. Car on le voit, beaucoup de gens, justement, quand ils font leur sadaqa, beaucoup de gens ignorants mettent leur argent dans des choses qui ne leur apportent pas grand-chose, si ce n'est dire rien du tout. Il va peut-être trouver à côté de lui un frère dans le besoin. Hein, un frère dans le besoin, il ne va pas lui donner grand-chose. Et demain, des gens vont se lever après la salat, dire donner pour la mosquée, donner pour l'association Intel, donner, donner, donner. Et là, il va donner des grosses sommes dans des choses qui ne vont pas lui apporter grand-chose. Alors qu'à côté de lui, peut-être que la personne qui est à côté de lui, 2, 3, 4, 5, 6, plusieurs personnes auraient pris cette somme-là. Cela aurait été plus bénéfique pour la Ummah et pour lui-même. Cependant, les gens sont bercés d'illusions par ces personnes-là qui viennent avec leur fait des dons. Qui viennent avec des hadiths, qui disent que celui qui, par exemple, fait ceci, cela, aura telle et telle récompense. Et en réalité, cet argent-là, hein, n'est pas dépensé dans une chose qui amène au bien réellement. Hein, qui amène au bien réellement. Alors que, il y a tellement d'aumônes à faire, de sadaqa à faire, de gens qui les méritent, et cet argent-là est donné, et mis entre de mauvaises mains. Donc que les gens, lorsqu'ils font des sadaqa, fassent bien attention à qui les donnent. Et si une sadaqa, une jam'iyya, une association te dit, donne l'argent, on va le donner à des pauvres, dis-leur qui sont ces pauvres, je leur donnerai moi-même. Si tu peux leur donner toi-même, fais-le, toi-même. Ne passe par personne. Ne prends pas d'intermédiaire par ces associations, hein, ces Jamaïa, qui disent qu'on veut aider les pauvres. Toi, dis-leur qui sont ces pauvres, montre-les-moi, et moi je leur donnerai en main propre, Inch'Allah. Cela est meilleur et plus confiant. Ensuite, le shir dit en portion disant, « Wa qad akhbara Allahu 'anil kuffari annahum humul ladhina yunfikuna amwalahum fil batil. Qala ta'ala, innal ladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah. فسنفكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغربون فمن لا يتحرى في نفقة ماله في وجه الشرعي فقد تشبه بالكفار في ذلك. Donc il dit le shir que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà informé que les kuffars, ce sont eux justement qui dépensent leur argent dans le faux. Comme Allah dit dans le sens, certes ceux qui ont mécru dépensent leur argent pour obstruer sur le chemin d'Allah. Hein? Et qu'ils les dépenseront et qu'après les avoir dépensées, elles seront un sujet de regret pour eux. Puis ils seront vaincus, et ils seront menés vers l'enfer. Ils seront menés vers le feu de l'enfer. Et il dit que celui qui ne s'efforce pas de dépenser son argent dans une voie légiférée, alors ressemblera au kuffar dans cela. Regardez un peu la comparaison. Ceux qui donnent leur argent dans le faux, hein, tombent dans une ressemblance au kuffar. Ceux qui donnent leur argent au mubtadi'a, aux gens de l'innovation, aux hizbi, ou aux choses qui ne sont pas légiférées, ou ainsi de suite, hein, eux, en cela, tout dans un tachabouh bil kuffar, qu'ils ont une ressemblance au kuffar, comme le prouve ce verset. فَالْمَالُ يُعْتَبَرُوا مِنَ النِّعَمِ قَالَ تَعَلَى وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِ وَالْخَيْرِ. Donc il dit que l'argent, bien sûr, est considéré comme étant parmi les bienfaits, comme Allah dit dans le sens, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien, c'est-à-dire par l'argent. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوذون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرج البخاري من حديث خولة رضي الله عنها. Donc il dit صلى الله عليه وسلم qu'il y a des gens qui s'investissent, qui s'immiscent sans droit dans l'argent d'Allah, les biens d'Allah, et ceux-là auront le feu le jour du jugement. Et cela, ce hadith-là qui a été rapporté par l'imam Bukhari selon Khawla رضي الله عنها. Et ce hadith, prendre garde à ceux qui viennent s'avancer pour faire des quêtes sans qu'on leur ait demandé, demander de l'argent aux gens pour telle et telle cause, et qu'après n'arrivent pas à assumer ce qu'ils ont fait ou sont voit éprouvés par cet argent-là. Déjà d'une part, ils auront commis le péché d'avoir demandé des biens aux gens sans nécessité, car si vraiment ils veulent aider des pauvres, Ils n'ont qu'à indiquer les pauvres. Ils n'ont pas besoin de dire donnez-moi pour un tel, donnez-moi pour un tel. Il n'a qu'à faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il indique un tel. Il dit un tel est dans le besoin, aidez-le. Cela suffit. Sauf si le un tel le charge de cela. Là, c'est autre chose. Par exemple, le un tel il est à l'hôpital, ou il est blessé, ou il ne peut pas se débrouiller tout seul. Là, il confie la tâche à quelqu'un. Là, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Mais celui qui s'avance de lui-même, alors qu'on ne lui a rien demandé, comme on voit dans plein de sites faire des dons, ainsi de suite, que ces gens-là s'immiscent dans ce qui ne les concerne pas, qu'on ne leur a pas demandé, demandent de l'argent des gens, et que par la suite, tu les vois te mettre dans des problèmes pas possibles. Que l'argent manque. Que l'argent n'est pas revenu comme il faut au bon endroit, et ainsi de suite. Naam. Et dans l'autre sens, attention, vous avez des gens qui, eux, ont le cœur malade. Des gens jaloux, qui voient que de l'argent vient à des personnes, hein, et qui s'imaginent devoir recevoir une part. Pourquoi un tel y reçoit? Pourquoi un tel y reçoit? Pourquoi un tel y reçoit et pourquoi moi je ne reçois pas? Et là, ils te font des histoires pas possibles. Hein? Ils se mettent à fouiller, ils se mettent à enquêter, à demander aux gens combien tu as envoyé, combien, et moi je n'ai pas reçu. Ça, c'est le contraire. C'est-à-dire que eux, le hadith aussi les concerne du fait qu'ils rentrent dans des choses qu'on n'aura pas demandé, qui ne les concernent pas, et se mettent à faire des histoires. Tout ça pourquoi? Du fait qu'ils n'ont pas reçu la part que eux se voyaient en droit de recevoir. Et cela ressemble à quoi? Au hadith avec les khawarij. Lorsque Zuhwayy Sera a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Adil ya Mohammed, sois juste Mohammed. Pourquoi? Du fait que lui n'a pas reçu la part qu'il pensait qu'il allait recevoir. Pour le fait qu'il penche pour ce bas monde. Donc vous avez des gens comme ça, malheureusement, qui ont le cœur malade, qui font un tel problème, un tel fitna, du fait qu'ils n'ont pas reçu l'argent qu'ils voulaient. Et ensuite, ils vont dire que les veuves n'ont pas reçu, les orphelins n'ont pas reçu, un tel n'a pas reçu, et vous avez mangé l'argent entre vous. En fait, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle se vise elle-même. Il veut dire quoi par là? Moi, je n'ai pas reçu. Il n'en a rien à faire des orphelins, rien à faire des veuves, rien à faire des frères qui n'ont pas reçu. Tout ce qu'il veut, lui, c'est sa part à lui. Si tu lui donnes, hein, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, hein, que si jamais tu leur donnes, dans le sens, si jamais tu leur donnes, ils sont contents. Si tu ne leur donnes pas, tu les vois qu'ils sont en colère. Ils font un tas d'histoires. Donc attention, là, il flotte ou la tafrite. Pas d'excès, pas de négligence. Le juste milieu. Non, ça c'est un tambi, au passage. Donc le chef poursuit en disant وَقَدْ عَلِمْتَ الْأُمَمْ أَلَّتِي أَمَدَّهَا اللَّهُ بِالنِّعَمْ وَالْأَمْوَالِ لَمْ تَشْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهُ فَأَهْلَكَهَا اللَّهُ قَالَ تَعَالَى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً تَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Donc là, subhanahu wa ta'ala donne l'exemple. Il dit Afwan, d'abord le shir dit que tu as déjà connu parmi les communautés antérieures, celle à qui Allah a donné beaucoup de richesses, hein, et de biens, et que ceux-ci n'ont pas été reconnaissants. Donc qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il les a détruits. Comme il dit dans le sens, qu'Allah donne l'exemple d'une contrée qui était en sécurité et apaisée, dont la subsistance venait de toutes parts, hein, et lorsqu'elle s'est mise à mécroire ou être ingrate envers les bienfaits d'Allah, alors Allah lui l'a fait goûter. La faim et la peur pour ce qu'ils ont commis comme acte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Le manque de reconnaissance par exemple, le fait de faire des péchés et de faire du mal. Naam. وَالْمَالُ يُرْتَبَلُوا مِنْ إِبْتِلَاءَاتِ كَذَلِكَ. Et que l'argent, à l'inverse, on a dit précédemment que l'argent peut être un bienfait, mais également peut être une épreuve. إِنَ الْأَكْثَرِينَ هُمَ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Donc comme nous avons dit que l'argent également peut être une épreuve pour une personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui ont accumulé le plus de biens seront les moins nombreux le jour du jugement, le jour de la résurrection. C'est-à-dire quoi? Cela revient à ce que nous avons dit précédemment. Que ce ne sont pas les riches, mais plutôt les pauvres les plus nombreux à rentrer au paradis. Et également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit que leurs biens et leurs enfants ne t'impressionnent pas. Que Allah veut juste par là les châtier en ce bas monde, que leurs âmes soient enlevées de Dieu, yani violemment, alors qu'ils sont mécréants. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, là, fait de l'istidraj. C'est-à-dire qu'il les égare par échelon, par étape. Qu'il leur montre ce qui leur plaît, afin qu'ils s'égarent pour le mal qu'ils ont en eux, et par la suite pour pouvoir mieux les saisir. Et pour qui veut, Inch'Allah, il y a une muhadara sur le site qui présente par rapport à ce sujet, du fait que les musulmans aujourd'hui ressentent un sentiment de. Un complexe d'infériorité face au kuffar pour la dunya qu'ils possèdent, et que cela, Inch'Allah, n'est que un istidraj min Allah pour les kuffar, que cela n'est pas point des bienfaits pour eux. Hein, cela n'est pas une grâce d'Allah subhanahu pour eux. Ne pas se laisser impressionner par tout ce qu'ils ont comme avancée technologique et tout, que cela, Inch'Allah, n'est pas en leur faveur. Cela n'est pas en leur faveur. La hasad ila fisnatayn. Rajulun atahu Allahu malan, fasalatahu ala halakatihi fil haqq. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas d'envie si ce n'est dans deux choses. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé des biens et que celui-ci aura dépensé ses biens hein, dans la vérité, dans l'obéissance d'Allah. Et un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura donné de la science par laquelle il jugera et cette science-là qu'il l'enseignera. Ces deux-là sont à envier. Les autres, non. Et là, il parle du mot hasad. Mais là, ce n'est pas le hasad comme cité au début du hadith, qui est le fait de souhaiter que ce bien soit enlevé des autres. Non. Là, il parle le fait d'envier et de se précipiter à avoir la même chose. Cependant, il y a plein de choses qu'on peut envier chez les gens qu'ils ont comme bien, autre que l'argent dépensé dans le bien ou la science, mais ceux-là sont les meilleurs. Hein, ceux-là sont les meilleurs. Par exemple, un couple qui n'aurait pas d'enfants, il n'y a pas de mal à ce qu'ils envient un couple qui aurait des enfants. Ils diraient, nous aussi, on voudrait avoir des enfants comme eux et avoir une descendance pieuse et ainsi de suite. Cela est une chose qui n'est pas blâmable, de souhaiter avoir ce qu'il y a chez les gens comme bien. Cependant, il se peut que ce soit un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne t'ait pas donné d'enfants. Comme par exemple, cela est venu dans l'histoire, dans Sourate Al-Kahf. Hein, lorsque le Khadir tue ce jeune garçon et que Moussa le blâma et dit pourquoi tu l'as tué, à la fin il dit quoi? Que cet enfant avait des parents en mu'min, croyant, et qu'il allait devenir kafir et pas craindre qu'il nous emmène avec lui dans le kouf, alors Allah voulut le remplacer. Donc il se peut que, par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'aies pas d'enfant car il y a un bien pour toi derrière. Hein, il faut toujours se dire qu'il y a un bien derrière. Si Allah l'a prédestiné, c'est qu'il y a un bien pour toi derrière. Non. Car un enfant peut être une fitna. Les enfants et les biens peuvent être également une source d'égarement. Non. Ensuite, il dit: قوله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة. لأن يتصدق عليك أحد بتعليم أو بدعوة أو بتدريس أو ينهي أو بنهي. طيب أو بنهي عما أنت فيه من الخطأ هذا والله خير من أن يتصدق عليك بشتى متاع الدنيا. Donc il dit quoi? Il dit que ordonner le convenable, voyez, et interdire le blâmable, cela est une sadaqa. Car une personne qui te fait sadaqa, par exemple, par l'enseignement, il t'enseigne des choses, ou par la darwa, hein, ou qu'il t'empêche de tomber dans un mal dans lequel tu te trouves, ou une erreur, que wallah, cela est meilleur que si jamais il t'apportait en sadaqa tous les biens de ce bas monde. Pourquoi? Car cela est pour toi un profit et un bénéfice pour ton au-delà. Donc cela est meilleur que les biens de ce bas monde. La darwa, hein, la science et le conseil, al-nasiha et le nahi al-munkar, ou al-amr bil-ma'ruf, cela est meilleur pour toi que tous les biens de ce bas monde. Donc il dit, فصدقات كثيرة وإن لم يكن عندك مال فتصدق على نفسك بكف أذاك عن الناس. Donc il dit que les sadakas, les aumônes, sont très nombreuses. Et que si jamais tu n'as pas de quoi faire aumône, par exemple, avec les biens, alors au minimum fais de quoi en ne nuisant pas aux gens, hein, en préservant les gens de ton mal. Et Cheikh Sadr al-Sheikh, lui, cite dans son charh par rapport à la sadaka, qui dit que la sadaka, dans la législation, elle n'est pas restreinte à l'argent seulement. Plutôt que l'argent est une forme de sadaqa parmi bien d'autres. Il dit que le ta'lif, la définition de la sadaqa en islam, c'est Issal le khayr, il est le ghayl. Le fait de faire parvenir du bien à autrui. Et le bien, khayr, c'est un mot qui est large, qui englobe plein de choses. Ça peut être l'argent, ça peut être la science, Ça peut être une bonne parole, ça peut être une nasiha, ainsi de suite. Hein? Le bien est un mot qui est large. Ensuite, le shiris, il poursuit en disant Wal amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar min awjab al wajibat. Qala ta'ala Wa takun minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Il dit que l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable sont parmi les plus grandes obligations. Comme Allah dans le sens dit, que soit parmi vous une communauté qui appelle au bien et qui ordonne le convenable et qui interdise le blâmable, et ceux-là sont ceux qui réussissent. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a promis la réussite à qui fait cela. Waqad alimtum qissat ashab as-sabt. Fallahu subhanahu wa ta'ala najja allazina yanhaun 'anil su. Qala ta'ala falamma nasu ma dhukkiru bihi anjayna allazina yanhaun 'anil su. وَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَقَالَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ كُنَّا لَهُمْ كُنُّ كِرَدَةً خَاسِئِينَ فَبَنُو إِسْرَائِيلَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى عَدَمْ قِيَامِهِمْ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Et donc le shir dit, vous avez déjà tous connu l'histoire des gens du Sept. Lorsque la Sprenata Allah avait interdit aux fils d'Israël de mettre leur filet pour pêcher le samedi. Pour cause de la grande désobéissance. Donc pour là, pour les châtier, il leur a interdit de pêcher ce jour-là. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rusé. Ils ont jeté les filets le vendredi pour récupérer le dimanche. Et ça, c'est parmi là les méthodes des juifs qui les rusent. Ce sont des gens qui complotent. Hein, des gens qui complotent et qui jouent. Alors de là, à la Spantala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé ceux qui ont interdit justement cela, parce qu'il y a une partie des Bani Israël, n'ont pas accepté cela. Hein? Parmi les croyants, ceux qui étaient des musulmans parmi eux, ils n'ont pas accepté cela, et ils ont conseillé leur communauté. Seulement, les autres n'ont pas écouté. Alors, dans le sens de la Sprenata Allah, il dit que lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été rappelé, nous avons certes sauvé ceux qui ont interdit au mal, et nous avons pris les autres qui ont été injustes par un dur châtiment pour leur perversion. Et dans le sens, il dit également, lorsqu'ils ont transgresser ce qui leur était interdit, alors nous leur avons dit, soyez des singes abjects. Alors les fils d'Israël, Allah les a maudits pour le fait qu'ils n'ont pas fait ce que Allah leur a rendu obligatoire. Et là, dans le sens, soyez des singes abjects, il y a eu un khilaf entre les savants, est-ce que c'est une métaphore pour dire qu'ils étaient avilis comme des singes, comme des animaux, ou est-ce qu'ils ont été vraiment des singes, en réalité? Et la parole la plus authentique, c'est qu'ils ont vraiment été des singes. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment fait d'eux des singes. Mais qu'après, Inch'Allah n'a pas eu de descendance. C'est-à-dire, les singes qu'on voit aujourd'hui, il ne faut pas dire que ce sont les descendants des Bani Israël qui ont été rendus singes à l'époque. Non, car les singes existaient déjà avant eux. Cependant, cette communauté-là, ce groupe d'entre eux-là, là, ont été également transformés en singes. Et ensuite, ils n'ont pas eu de descendance. Également, un hadith rapporté chez Muslim, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a une communauté parmi les fils d'Israël qui ont disparu totalement, hein. On ne sait pas comment ils ont disparu totalement, qu'on a retrouvé à leur place que des rats et des souris. À leur endroit, à leur emplacement, on a trouvé que des rats et des souris. Qala ta'ala, lu'ina allazina kafaru min bani Israël, ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahun an munkarin fa'alu, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Donc Allah, dans le sens, il dit également que ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël sur la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Cela pour leur désobéissance et leur transgression, qui ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient, hein, que chez eux, ils n'avaient pas l'interdiction du mal qu'ils faisaient. Et quelles mauvaises choses qu'ils accomplissaient. فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِهَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ بَلْ مَا كَانُوا يَفْوَنْ مَا كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ بَلْ رُبَّمَا إِذَا سَرَكَ فِيهِمْ الشَّرِيفِ إِذَا سَرَكَ فِيهِمْ الشَّرِيفِ تَرَكُوهُ وَذَا سَرَكَ الدُّعِيفِ أَقَامُوا عَلِي الْحَدِ. Donc il dit que Allah les a maudits pour cela, du fait qu'ils ne s'interdisaient pas le blâmable. Peut-être même pire que cela, s'il y avait un noble parmi eux volé, il le délaissait. C'est-à-dire qu'il n'appliquait pas celui de la peine. Et que si un pauvre et un faible venaient à voler sur lui, ils accomplissaient la peine. Et regardez aujourd'hui, ces gens-là, les juifs, se disent comme étant le peuple élu. Regardez ce que le Coran dit, لَعْنَهُمُ اللَّهُ, que Allah les a maudits par la bouche de leur propre prophète. Hein? Et là, on précise qui? Ceux qui ont mécru de leur peuple. فَدَابِتُوا فِي الْأَمْرُ بِالْمَعْلُوفُ وَنَّهِ مُنْكَرُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِ مَنْ رَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَنَمِسْتَطِيَ فَبِلِسَانِهِ فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc il dit, et quelles sont les normes de l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable? Cela a été défini dans le hadith rapporté par Abi Saïd al-Khudri. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change de sa main, et que s'il ne peut pas alors par sa langue, et que s'il ne peut pas alors par son cœur, et cela est le plus bas niveau de la foi. Donc le shir dit, فَلَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي عَدَ مِنْ كَالَ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْبِ سَوَاءٌ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ مِنَ النِّسَاءِ كل واحد يجب أن ينكر المنكر بقدر ما يستطيع. Donc il dit, il n'y a aucune excuse pour celui qui n'arrive pas, ne serait-ce que interdit le blâmable par son cœur, hein, dans son cœur. Qu'il s'agisse des hommes ou bien des femmes, que chacun, cela est obligatoire à chacun de blâmer le blâmable en mesure de ses capacités. فإذا رأيت منكرا واستطعت أن تغيره بيدك فلا يعود ولا يعود عليك ولا على المسلمين بضرر لو لا تتحمله فعلته ولم تستطيع أن تغير المنكر إلى اللسان فعلته ولم تستطيع فلا عذر لك أن تغير بالقلب فإن هذا مما هو من النيات ومما لا يتضرر به إذا أنكره بقلبه. Donc il dit que si jamais tu vois un mal et que tu peux le changer par ta main sans que cela ne revienne contre toi, contre les autres musulmans, par des dommages qui ne seraient pas supportables, hein, des dommages plus grands, alors fais-le. Et si jamais tu ne peux pas par ta main, alors fais-le par ta langue, c'est-à-dire en parlant, ou par la nasiha, ainsi de suite. Si jamais tu ne peux pas, alors tu n'as au moins pas d'excuse de ne pouvoir le faire de ton cœur. Car cela revient à quoi? Au niyat, aux intentions. Et cela ne t'apportera aucune nuisance. Que tu blâmes le munkar par ton cœur. Et également, les choses à savoir, ça va venir par la suite. Voilà yurzaru haythu ينقل التغيير إلى اللسان وهو قادر باليد ولا يغذر أن ينقل إلى القلب وهو قادر على التغيير باللسان. Donc il dit que celui qui passe directement de la langue en délaissant la main alors qu'il en était capable, celui-là n'est pas excusé. Et également celui qui passe directement par son cœur en délaissant la langue, celui-là n'est pas excusé. C'est-à-dire si jamais tu es capable de le faire par ta main, alors tu n'as pas le droit de passer par la langue. Et que si jamais tu es capable de le faire par la langue, alors tu n'as pas le droit de passer par le cœur. Et cela est un jihad. Inkal al-munkar, cela est du jihad. Et également, dans le fait de inkal al-munkar, il ne faut pas que tu interdises un blâmable en venant par une chose qui est elle-même plus blâmable. Hein? C'est pas que tu interdis un mal en faisant toi-même un mal plus grand. Il faut faire preuve de sagesse, de hikmah. Que cela n'amène pas des problèmes plus grands sur toi ou sur la communauté. Et quand on dit des problèmes sur toi, ce n'est pas des gens qu'on parle sur toi ou qu'on t'insulte. Non, c'est des choses graves qui peut vraiment te nuire, hein, à ta personne, à ta santé, dans tes biens, ainsi de suite. Sauf le fait de dire que si jamais je parle, alors ils vont parler sur moi, ça non, ça c'est pas une excuse. Les prophètes, alayhi salam, hein, ont été démentis, ont été insultés, ont été offensés. Cela ne nous a pas empêchés d'interdire le blâmable. Cela n'est pas une raison, n'est pas une excuse. Lorsqu'on dit que cela ne revient pas à un mal sur toi, c'est-à-dire un mal très grand qui te serait insupportable. Ou également que ce mal se retournerait contre toute la communauté. Comme par exemple ce qu'on voit actuellement dans ce qui est arrivé à nos frères en Palestine, Nasallallahu yansurahum, que des gens en France sont mis à tout casser, à casser des synagogues, à brûler des voitures, ainsi de suite, ou même à attraper des juifs dans la rue et à les frapper, ainsi de suite. Cela, ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est du fourdon, du désordre. Ce qu'ils n'ont fait n'a rien apporté comme bien. Bien au contraire, cela fait quoi? Cela, cela noircit l'image des musulmans dans le monde, car les koufars vont s'empresser de filmer cela pour dire regardez les musulmans comment ils sont. Ils cassent tout, ils brûlent tout, ce sont des sauvages, des barbares, des vandales. Cela ne donne pas une bonne image de l'islam. Et également, cela amène à quoi? Ceux qui font cela, cela n'apporte aucun bien aux frères en Palestine. Que demain un frère en Palestine se fasse agresser par les juifs, que demain tu attrapes un juif, par exemple, là, à Paris, là, et tu le frappes, ça a apporté quoi aux Palestiniens? Quel profit cela va lui apporter? On te le demande. C'est plutôt que toi, tu lâches ta rage sur quelqu'un. Et cela, en islam, ça n'existe pas. Tu vas te contrôler. Et tu fais des doigts pour eux. T'envoies de l'argent pour eux, tu peux les aider. Mais attraper quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'est pas là, cela n'a rien à voir. Hein? Et cela même est interdit. Cela amène quoi? Est-ce que la police vienne chez toi, tu sois en prison, qu'on te frappe, et ainsi de suite. Des problèmes incessants, des fitans. Hein? Donc il faut s'éloigner des fitans. À la base, en islam, on s'éloigne des troupes. Donc attention, inkal al-munkar, faut pas le faire avec quelque chose de plus grave. نعم le chir poursuit en disant Amaman yakoul inna tahyir al-munkar bil yad huwa ala al-wali bil lisan wala al-wa'iz bil qalb wala awam an-nas fa min ayna lahum dalil ala hada taqsim. Donc il dit quant à ceux qui disent que le fait de blâmer le blâmable par la main, cela ne revient qu'à qui? Qu'au gouverneur, hein, ceux qui détiennent le pouvoir. Et que interdire le blâmable par la langue, cela ne revient qu'à qui? Aux sermonneurs, comme les savants ou les imams de mosquées qui font les khutbas. Et que le fait de blâmer par son cœur, cela revient aux awam, aux gens de la masse. Et que ce classement, cela n'a aucun dalil. Hein, cela n'a aucun dalil. Ceux qui disent cela n'ont pas raison. Et d'ailleurs, Cheikh Saïd Da'as, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre qui est Wujub al-Amr bi Ma'ruf wa Nahy 'an Munkar. Justement, lui, il débat autour de ce point-là. De ceux qui disent que interdire le blâmable par la main, cela ne revient que qui? Au gouverneur, aux autorités. Et ainsi de suite. Cela n'a pas de preuve à l'appui. Si dans ton pays, les autorités le font, alhamdoulilah, mais si toi demain t'es tout seul, par exemple, hein, et tu vois, un exemple, une bagarre. Deux frères, deux muslims qui se battent. Tu vas dire, non, bah, y a pas de police, y a personne, moi je fais rien, c'est pas à moi de le faire. Yari, tu essaies de les séparer. Tu fais ce que tu peux pour essayer de les séparer. D'accord? Tu dis pas, non, y a pas de police, y a pas de gouverneur, moi je laisse s'entretuer tous les deux. Non. Tu y vas, tu les sépares. Là, tu auras, hein, empêché un blâmable de par ta main. Donc, dans la vision de ces gens-là, qui disent cela, et il y a beaucoup de savants qui l'ont dit, des savants saoudis, beaucoup l'ont dit, parce que dans leur pays, alhamdoulilah, les autorités, ils ont une police qui est là rien que pour ça, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas le cas. Donc, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à toi d'agir. Là, le hadith, il s'applique sur toi. Le hadith s'applique sur toi. Et là, Cheikh Fawzan, il a une parole sur le sujet où il dit, là c'est pour Rod, à ceux comme par exemple Ubay Jabiri qui autorise d'aller dans les mariages où il y a de la mixité ou de la musique, ainsi de suite, ou d'aller dans les universités où il y a de la mixité ou dans les cours interdits comme les cours de musique et de faire cela, de détester cela dans son cœur. Il dit que s'il y a mis dans ton cœur, tu détestes cela, alors tu peux y aller. Là, Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit La had yarjizu an ilkar bil kolb. وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تعتزل أهل المنكر ومواطن المنكر وتبتعد عنها فلا تجلس فيها وتشاركهم في منكرهم وتقول أنا منكر بقلبي هذا لا يكفي بل لابد أن تبتعد عن المنكر وأهله ولا تخالط أهل المنكر إلا إذا كنت تستطيع الإصلاح فإن كنت لا تستطيع الإصلاح ابتعد وانجه نفسك. Donc il dit quoi? Dans le sens, là c'est dans le charh de Harbin Nawawi, dans ce hadith-là, il dit que personne, ou tout le monde plutôt, est en mesure de blâmer le munkar dans son cœur. Tout le monde peut le faire. Et celui qui fait cela implique que tu dois éviter et t'éloigner des gens du mal et des lieux de mal. Hein? Tu ne dois pas rester avec eux. Car il n'est pas permis que tu t'assoies avec eux, hein, et que tu participes avec eux dans leur mal, et dans ton. Et ensuite toi tu dis. Moi, dans mon cœur, je n'aime pas ça. Hein? Dans mon cœur, moi, je n'aime pas cela. Cela n'est pas suffisant. Le shir dit, cela ne suffit pas. Mais plutôt, il est obligatoire de t'éloigner, de t'isoler, de sortir du mal de ces gens, et tu ne dois pas te mélanger à eux. Et que si jamais, par contre, tu es en mesure de t'arrêter ce mal, alors fais-le, vas-y. Tu es une personne qui a du pouvoir, une personne qui a la capacité, qui a le potentiel d'arrêter un mal là où il se trouve, alors vas-y. Avec l'intention d'arrêter ce mal seulement. Sinon, si tu ne peux pas, alors préserve-toi, hein, et ne reste pas dans ce lieu-là. Et ni avec ces gens-là. Non, voyez. Qawluhu ayadur ahaduna shahwata yakun lahu fiha ajrun. Donc dans sa parole, il dit que l'un d'entre nous, si jamais il accomplit ses besoins charnels, est-ce qu'il aura en cela une récompense? Qala na'am. Il répondit oui. Hadha laysa min bab qiyas. وإنما هو من باب من ضرب المثال وقد استدلوا به على القياس وفي الاحتساب وأن المحتسب قد يؤجر على احتسابه وإن كان في شيء مباح هذا يجامع أهله وهذا يجامع أهله فيؤجر هذا ولا يجأر هذا لأن هذا لقصد الشهوة وهذا طيب لأن هذا لقصد الشهوة وهذا لقصد إعفاف النفس وحصول الولد الصالح. Donc il dit, le shir dit que, contrairement à beaucoup de savants, que cela, lorsqu'il dit que, est-ce que si l'un d'entre nous accompli ses besoins charnels, est-ce qu'il aura en cela une récompense? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. En vois-tu s'il avait fait dans le mal, qu'il aurait eu un péché? Alors de la même façon, s'il le fait dans le bien, il aura une récompense. Donc le shir dit cela n'est pas ne fait pas partie du qiyas. Le qiyas, ils appellent ça la comparaison par analogie. Le fait de tirer une preuve par analogie. Hein? Mais le shir lui voit que ce hadith-là n'est pas une preuve pour cette analogie, pour ce qiyas. C'est son avis à lui, d'autres savants, Cheikh Fawzen, Cheikh Salah al-Shir, ou même Ibn Rajab, dans les autres shourouh, eux, ils voient que c'est qiyas al-aks. Hein? La comparaison analogique par l'opposé. Lui, Cheikh, il voit que c'est juste un exemple. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un exemple. Et ce n'est pas un qiyas. Et dedans, il dit également qu'il y a en cela le fait de rechercher la récompense. Car celui qui recherche une récompense dans un acte permis, hein, un acte permis, par exemple celui qui a des rapports avec sa femme et un autre aussi, que l'un peut être récompensé contrairement à l'autre. C'est-à-dire celui qui fait cela juste pour assouvir ses besoins et l'autre qui fait cela pour ne pas tomber dans le zina et pour avoir des enfants pieux, et ben le deuxième aura une récompense et l'autre n'aura rien. Car cela est un acte permis, normal. Donc cela revient à quoi? Au hadith qu'on avait vu au début du matn, Al-Bayn Nawawi, Innamal a'mal bi-niyya, que par ton intention, les actes diffèrent. Tu peux faire une chose permise, et par l'intention que tu vas émettre, tu pourras en tirer une récompense ou en tirer un péché ou ne rien avoir. Cela revient à cela. Naam. Et cela aide également, comme le chien dit par la suite, à différencier entre les coutumes et les adorations. Par exemple, des gens demain vont jeûner parce que tout le monde jeûne. Il voit que tout le monde qui jeûne, il va, tout le monde aussi je jeûne avec eux. Lui, eh ben, n'aura pas de récompense. Pourquoi? Parce que son intention n'aura que deux fois de faire comme tout le monde, de suivre la masse, comme on dit. Alors que celui qui va jeûner en mettant l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui, il aura une récompense. Naam. Ainsi de suite. Donc de là s'achève le charh de ce hadith. Toujours en résumé, hein. Comme je vous le dis, je ne lis pas tout, car ce serait trop long. On n'aura pas le temps de prendre tout le livre. Donc je me résume aux parties les plus importantes et les plus moufida. Hein? فنسأل الله ينفعنا بما قلنا وبهذا القدر نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين